Bosco, Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le quartier Gitega de la zone Kinama, mairie Bujumbura, de la 11e à la 13e avenue, n'a pas d'eau dans les robinets depuis plus de 2 mois. Une situation d'autant plus inquiétante que le choléra et la variole du singe ont été signalés dans cette entité administrative. Des agriculteurs ayant vendu leur production de grains de maïs à l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire n'ont pas encore été payés, ce qui inquiète les députés à cette agence. On explique que l'argent a manqué du fait que la production qui était attendue est passée du simple au double. Il est possible de clôturer la réserve naturelle de la Ruvubu à moindre coût, assurance donnée par le directeur général de l'environnement au gouverneur de la province Tchankouzo, qui évoquait dans un atelier la question du dédommagement des agriculteurs dont les champs sont souvent dévastés par des buffles de cette réserve. Voilà pour le sommaire. Certains habitants de la 11e à la 13e avenue au quartier Gitega de la zone Kinama se plaignent de n'avoir pas d'eau dans leur robinet depuis plus de 2 mois. Ils témoignent que pour en avoir, ils sont obligés de se rabattre sur les fontaines publiques vers les 4h du matin. Ils indiquent craindre pour leur sécurité et leur santé vu qu'ils n'arrivent plus à se protéger contre le choléra et la variole du singe. Tous demandent à ce que la régie des eaux intervienne pour sauver cette situation. Un reportage de notre consoeur Sheila Irambona. Ces gens sont des habitants de la 13e avenue du quartier Gitega en zone Kinama, une localité qui vient de passer plus de 2 mois sans avoir de l'eau dans leur robinet de la part de la régie des eaux. Lorsque nous étions sur place, il s'est remarqué beaucoup de gens allant et venant puiser de l'eau sur les robinets publics. Ceux qui se sont exprimés ont indiqué que de la 11e avenue jusqu'à la 13e avenue de ce quartier, les gens sont obligés de se lever très tôt le matin pour avoir de l'eau. Nous n'avons pas d'eau jusqu'à ce jour-ci. On va puiser l'eau des robinets publics dès 4 heures du matin. C'est très difficile pour nous. Si mes enfants rencontrent un problème au cours de la route à cette heure-ci, à qui vais-je me plaindre? Ils sont contraints de le faire pendant la matinée, sinon on n'a pas d'eau. Tous demandent à ce que la régie des eaux intervienne, car avec cette pénurie, ils n'arrivent plus à se protéger du choléra et de la maladie de la variole de singe. On se protège comment alors qu'on n'a pas d'eau? Qu'on nous approvisionne en eau potable, qu'ils cherchent le nœud du problème, car avant, on avait de l'eau. Ces habitants de ce quartier de la zone Kinama se sont demandé si la régie des eaux va continuer à leur apporter des factures d'eau à payer, alors qu'ils continuent de payer plus de 5000 francs par jour pour les bidons d'eau, une somme qui alourdit leur quotidien, comme ils l'ont signalé. Certains représentants du peuple disent être préoccupés par le fait que les agriculteurs ayant vendu leur production de grains de maïs à l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire en Adjessa n'ont pas jusqu'ici été payés. Répondant aux questions orales des députés ce jeudi sur les projets de restauration et de résilience du paysage au Burundi et d'intensification de la production agricole au Burundi, le ministre Prosper Dodiko, en charge de l'agriculture, a indiqué que le gouvernement s'est saisi de la question. Il explique que ce retard a été dû au manque de moyens car la production qui était attendue est passée du simple au double. Les détails avec Évariste Nzikobanyanga. Après que l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire ANAGESA ait collecté pour la 2e fois la production du maïs dans le pays, il s'observe des indignations que cette agence n'a pas encore payé ses producteurs jusqu'à l'heure qu'il est. Le député Jean Chimiriman est parmi ceux qui ont constaté cette situation et demande quand cette population sera régularisée. Monsieur le ministre, dans les descentes que nous avons récemment organisées, nous avons constaté que certains s'indignent contre l'ANAGESA qui n'a jusqu'ici payé ces derniers pour les grains de maïs qu'ils ont vendus à crédit. Où est-ce que vous en êtes avec le paiement? Les coups de téléphone que nous recevons ne nous parlent que de ces impayés. Répondant ce jeudi aux questions orales à la Chambre basse du Parlement sur les projets de restauration et de résilience du paysage au Burundi et d'intensification de la production agricole au Burundi, le ministre en charge de l'agriculture, Prosper Dodiko, a compris les doléances de ceux qui ont vendu à crédit leur maïs chez Anagessa. Il explique que ce retard a été dû au manque de moyens car la production qui était attendue est passé du simple au double. Je vous informe que Anagessa a collecté plus de 71 000 tonnes de grains de maïs. Et là, nous avons demandé au directeur général de l'Anagessa à suspendre cette collecte pour ne pas aller au-delà. Nous avions prévu une collecte de 30 000 tonnes alors que nous étions dans le budget programme. Vous comprenez qu'il était difficile de mobiliser les fonds. Je profite de cette occasion pour remercier le gouvernement qui a pu débloquer plus de 100 milliards pour payer ces grains de maïs. Il est compréhensible que cette production a été une réponse à nos forces, mais qu'elle nous a causé beaucoup de problèmes, surtout qu'il en a manqué des hangars pour sa conservation. Le ministre Dodiko tranquillise ceux qui ont vendu leur production chez Anagessa et qui n'ont pas encore été payés que le gouvernement ne les a pas oubliés. Vous saurez que le gouvernement devra décaisser 5 milliards pour régulariser ses impayés. Clôturer la réserve naturelle de la Rouvoué et d'autres en vue d'éviter la dévastation des cultures par des animaux, principalement les buffles, est possible à moindre coût. Propos du directeur général de l'environnement lors d'un atelier de validation de deux documents concernant la politique nationale de l'environnement et la stratégie nationale forestière. C'était ce jeudi à Ngozi. Christian Nimubona répondait aux préoccupations du gouverneur de la province de Changuzo qui disait que dans le budget de plus de 117 millions de dollars américains de ce projet, la rubrique de dédommagement des agriculteurs dont les champs sont souvent dévastés par les buffles a été oubliée. Apollinaire Muzagara. Dans ces deux documents figure la protection réelle de l'environnement, principalement la protection et la multiplication des forêts, selon le directeur général de l'environnement. Il y a aussi la politique d'appropriation de ces forêts par la communauté à la base, en vue d'éviter l'effet de brousse et autres coupes abusives. De là, les recettes issues de ces forêts seront profitables à la fois au gouvernement, à la commune et même à la population environnante, précise Christian Nimouon. La mise en œuvre du contenu de ces deux documents coûtera plus de 117 millions de dollars américains. Dans cette rencontre, le gouverneur de la province Changuzo a émis les préoccupations de la population revenant du parc national de Vubu, qui voit chaque fois leurs champs ravagés par des buffles. Boniface Lanyezako a par conséquent demandé que figure dans les 117 millions de dollars américains le projet de clôturer ce parc et même d'autres réserves naturelles et de penser aussi au dédommagement des victimes de ces buffles. Au doute de certains que ce projet de clôture est impossible car trop coûteux, Christian Nimubona tranquillise qu'avec l'utilisation des herbes très épinées dit Umubambangwe le long du parc, ce projet sera même moins budgétivore. Quant à la FAO, qui a financé les deux documents, Apollinaire Masoguru de cette organisation onusienne, promet de contribuer pour que la mise en œuvre du contenu de ces deux documents soit réalisée. Dongozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Certains administrateurs communaux de la province Kayanza indiquent que certaines questions leur posées par leurs dirigés sur le prochain recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage reposent sur le fait que dans des ménages, un des conjoints possède des biens ignorés par l'autre, surtout les propriétés foncières. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martin Niteretse, tranquillise et rappelle que ce recensement ne vise qu'à se rendre compte de l'effectif de la population burundaise et des biens dont elle dispose. Patrick Saint-Guillaume. Dans la réunion de ce jeudi qui a rencontré le gouverneur de la province Kayanza, les administrateurs communaux et le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique ce jeudi pour évaluer l'état du lieu des préparatifs des recensements de la population de l'habitat, de l'agriculture et l'élevage, plus d'un parmi les administrateurs communaux ont indiqué que leurs dirigeants leur demandent comment seront recensés les vaches dont les propriétaires ont confié à d'autres éleveurs dans le cadre de la chaîne de solidarité. D'autres parmi ces administrateurs ont fait savoir que dans certains ménages, l'un des conjoints possède des biens dont l'autre ne connaît pas, ce qui posera problème à qui sera attribué ces biens pendant le recensement. À toutes ces questions-là, Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, a appelé les administrateurs communaux à Kayanza à tranquilliser leurs dirigés que ce recensement ne vise pas à les spolier de leurs biens, d'où la population est invitée à être sincère et honnête dans la déclaration des biens qu'ils possèdent. À l'occasion de cette réunion, Sylvestre Nunzunayo, administrateur communal Gahombo, a dit qu'il s'inquiète beaucoup que les adeptes des Ebi pourraient ne pas se faire recenser malgré différentes sensibilisations qu'ils mènent à leur endroit. Signalons que ce recensement de la population de l'habitat, de l'agriculture et l'élevage débute bientôt le 15 septembre l'année en cours, selon le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Deux hommes de Buringa accusés d'avoir sérieusement tabassé un enfant de 13 ans au cimetière de Manda ont été arrêtés, tandis qu'une femme se faisant passer pour une sœur est actuellement détenue au cachot de la police à Gihanga pour avoir volé de l'argent par escroquerie. Les sources policières expliquent que les enquêtes sont en cours et les documents de cette personne ont été saisis afin de bien l'identifier. Spes Caritas Carignana. Deux jeunes de la colline Buringa, travailleurs au cimetière de Manda, sont détenus au cachot de police de Gihanga depuis ce lundi, accusés d'avoir sérieusement tabassé un enfant de 13 ans après l'avoir retiré d'un fossé rempli d'eau où il l'avait jeté selon les témoins sur place à Buringa. Et l'enfant a été victime d'avoir chié dans une fosse d'extraction de sable selon la même source. Les administratifs à Gihanga ainsi que la police démentissent les informations qui ont circulé ce mardi disant que ces deux jeunes auraient été enlevés par un parent de la victime, Badogo Emery, car ils ont été arrêtés par la police et conduits au cachot selon la même source. Et une personne qui se fait passer comme une sœur est détenue également au cachot de police à Gihanga, accusé d'escroquerie. La police précise que le gros du montant qu'elle avait déjà volé a été remis et certains responsables de l'église qui ont vu la tenue, une robe et voile bleue disent qu'il n'y a pas de congrégation où les sœurs portent des tenues pareilles. Les responsables administratifs appellent les habitants de cette colline à la vigilance car beaucoup de cas de banditisme sont actuellement signalés. Mais aussi, ils mettent en garde ceux qui veulent se faire justice. Les sources policières expliquent que les enquêtes sont en cours et que les documents de cette personne qui se fait passer comme une sœur ont été saisis, dont le passeport et le permis de conduire, afin de connaître réellement qui elle est. Spécialitas Kavanyana, Gihanga, Radio Isanganiro. Et certaines recommandations formulées lors des états généraux de l'éducation dans l'enseignement supérieur ont été suivies des faits. Le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique l'a déclaré ce mercredi devant les députés lors de la présentation du rapport d'une descente effectuée par les députés dans 8 établissements universitaires. Suivez les précisions du ministre François Vialimana qui évoque aussi l'état des hommes universitaires et de la restauration dans les campus. La première recommandation est celle en rapport avec les hommes universitaires et la restauration des étudiants de l'université. Cette recommandation visait à voir comment les privés pouvaient contribuer dans la construction des locaux et des lieux de restauration. Cette recommandation a été déjà mise en œuvre, même si ce n'est pas 100%. Je vous dirai en outre qu'à l'Université du Burundi, au campus Rohero, il y a un restaurant d'un privé pour la restauration de midi. Vous comprenez que cette recommandation est déjà mise en application, mais nous avons présenté au Conseil des ministres un projet sur la faisabilité, lequel a été adopté, ce qui signifie que nous sommes à l'œuvre. Cela ne veut pas dire que le gouvernement s'est retiré totalement. Il va continuer à appuyer, mais compte tenu des effectifs et des étudiants, il lui sera difficile de prendre en charge ces derniers à 100% en ce qui concerne leur restauration et leur logement. Sur cette question, beaucoup de personnes se limitent sur l'Université du Burundi, mais rappelons-nous que l'école normale supérieure, depuis sa création, recevait des externes qui avaient échoué à l'examen d'État. Actuellement, sont admis à l'ENES les étudiants qui remplissent les mêmes conditions que ceux de l'Université du Burundi. Vous comprenez que si nous ne faisons pas à l'ENES ce que nous sommes en train de faire pour l'Université du Burundi, ce serait du deux poids deux mesures. Une autre recommandation déjà mise en œuvre concerne l'implantation départements d'enseignement supérieur des métiers pour aider les écoles secondaires des métiers à se développer. L'équipe nationale de football est prête à affronter les sélections du Malawi et du Sénégal dans les matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN prévus en date du 5 et 10 septembre. Lors d'une conférence de presse animée ce jeudi, Étienne Ndayiragije, sélectionneur de l'équipe nationale, a indiqué que la santé des joueurs convoqués est bonne, ajoutant qu'après les séances d'entraînement qui se dérouleront en Ngozi, le départ vers le Malawi où se joueront ces matchs est prévu le 1er septembre. Et le programme est fait comme on démarre les entraînements en Ngozi, parce que sur les 23 convoqués, il y a 17 qui vont jouer le dernier match le 25. Le 26, ils seront ici. On a une semaine à profiter en Ngozi. Ça, j'en profite l'occasion pour remercier mes dirigeants et le ministère qui nous aident à pouvoir les préparer à temps. Donc on aura une semaine pour pouvoir gagner la cohésion, pour pouvoir motiver nos jeunes, mais aussi leur montrer les faiblesses et les points forts de l'adversaire pour pouvoir décrocher les victoires dont on a besoin. C'est ça le programme. Et on termine le 31 pour y aller le 1er. Si Dieu le veut, le 2, on sera tous au Malawi pour continuer les préparations. L'essentiel, c'est nos jeunes, ils sont bien. Si Dieu le veut, comme j'avais dit, tout ce qu'on a convoqué, s'ils arrivent sains, saufs, en forme, le boulot, c'est là comme on le souhaite. En bref, 3 sur 7 membres des commissions électorales communales indépendantes de chacune des communes Bururi et Matana de la nouvelle province de Burunga proviennent du parti CNDD-FDD. Luprona en a un dans chacune de ces communes. Au moment où les partis Sawanya Frodebou et SNL ont eu chacun un membre uniquement en commune Matana et 2 femmes dans chacune de ces communes, ces démembrements de la CENI comptent 5 Hutus et 2 Tutsis en commune Bururi, 4 Hutus et 3 Tutsis en commune Matana. Certains candidats qui avaient postulé mais qui n'ont pas été retenus demandent une lumière sur les critères de choix de ses membres des CCI. À ce sujet, annoncé Anthony Okwizera, chargé du matériel à la Commission électorale provinciale indépendante CEPI dans la nouvelle province de Burunga, qui présentait ses personnes ce jeudi, a indiqué qu'un délai de 3 jours pour les réclamations a été prévu et sont attendus à la CEPI Burunga. Et les membres de la commission électorale communale indépendante dans la nouvelle commune de Mungaro ont été présentés au cours de l'après-midi de ce jeudi par une délégation des membres de la CEPI Gitega. Sur 7 membres, 5 sont des hommes et 2 sont des femmes. Cette commission est présidée par le responsable de la structure légère de la CEPI Mungaro. Le parti CNDD-FDD a 2 membres dans cette commission, tandis que l'association Afrabou, l'association Wenesa Muragwa, la mémoire institutionnelle et le parti Uprona ont un membre chacun. À ceux qui disent qu'ils n'ont pas été représentés dans cette commission, Nestor Hakizimana, membre de la CEPI Gitega, répond qu'ils ont un délai de 3 jours pour introduire leur recours. Et en actualité africaine, en Centrafrique, le gouvernement a annoncé jeudi 22 août le report des élections locales et municipales, initialement prévues en octobre prochain. Ce scrutin a été renvoyé au 6 avril 2025. La décision a été prise après une rencontre entre le gouvernement, l'autorité nationale des élections et les partenaires financiers. Le budget de ces échéances est fixé à 9 milliards de francs CFA, dont 5 milliards ont déjà été mobilisés à ce jour. Depuis 40 ans, aucune élection locale n'a été organisée dans le pays. Enfin, au Soudan, la situation des civils à El Fasher ne fait qu'empirer. Aucune aide humanitaire n'arrive à entrer dans cette ville du Darfour Nord. Une situation d'autant plus inquiétante qu'elle intervient après l'ouverture du poste frontière d'Adré qui sépare le Darfour du Tchad. Et si quelques camions humanitaires sont passés cette semaine, ils n'atteignent pas El Fasher, s'inquiète le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, dans un communiqué publié jeudi 22 août. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.